Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Comment allez-vous messieurs? Ça va. Super. Mais pas super. Mais moi c'est le changement d'heure. Ah oui, c'est le... Ça me met de travers pendant quelques jours, mais ça va bien se passer. Moi je suis content parce que c'est la première fois que je viens et que j'ai pas besoin de mettre un bonnet depuis qu'on a commencé Fin du Game parce qu'il fait moins froid, donc je suis quand même assez heureux de ce petit soleil là qui m'a accompagné. À Strasbourg il fait assez beau hein, et ah, assez chaud ces temps-ci. C'est vrai, c'est vrai. Alors avant de commencer, on voulait évidemment remercier tous les Patreons qui nous ont rejoints depuis le lancement, puisque ça fait quoi, ça fait 10 jours qu'on a lancé le Patreon, le financement participatif, et on a déjà dépassé la moitié du premier palier qui est fixé à 300$ hein, je crois. Ouais. Par épisode. Par épisode, exactement. Donc on est... c'est quand même une vraie surprise parce que, bon, l'émission, elle est quand même assez jeune. Ça fait que quelques mois qu'on s'est lancé. Et c'est vrai que de voir déjà autant de gens soutenir et s'investir dans le projet comme ça, ça fait super plaisir. Et surtout, ça nous rassure dans la viabilité du projet et surtout dans le fait qu'on fait quelque chose qui peut vous intéresser et qui compte pour vous. Parce qu'on l'avait dit, le premier palier pour nous, c'est vraiment important, ça nous permet de garantir la régularité du podcast, hein, un épisode tous les 15 jours le vendredi. Alors évidemment, il n'y a pas d'ultimatum, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint le palier, ça ne veut pas dire qu'on va les sortir n'importe comment. Évidemment, on s'engage à les sortir quand même, mais on a besoin de vous pour l'atteindre, ça sera déjà voilà, le point de départ, ça va être un peu les fondations de ce Patreon. Et à partir de là, après, on pourra commencer à aller un peu plus loin. Donc déjà, merci, je crois qu'on est, il y a un peu plus de 70 personnes. J'ai pas les comptes à jour, je crois que c'est 74-75 personnes déjà qui ont fait le choix de nous soutenir sur Patreon. Donc merci à vous tous. Et toutes. Et puis, on espère qu'en écoutant les épisodes, ça va vous donner envie de nous soutenir également. Exactement. Voilà. Si vous aimez l'émission, go sur la page Patreon. Vous pouvez nous soutenir comme ça. Et puis, évidemment, il y a toujours le Discord, le club de lecture de Fin du Game. Si vous voulez échanger avec nous, et puis aussi pour savoir de quel jeu on va pouvoir parler pour la prochaine fois. Donc, on va tout de suite démarrer. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Red Strings Club. Et c'est pas facile à dire. Donc, on va voir comment ça va se passer tout au long de cette heure ensemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors, The Red Strings Club, ça va vraiment la galère tout le long. Red, au pire. Si... voilà, Red. Donc, c'est un jeu qui est sorti en janvier 2018, qui a été développé par Deconstruct Team, donc une équipe espagnole, et puis édité par Devolver Digital. Je crois que ça avait été déjà le cas pour leur premier jeu, Gods Will Be Watching, que moi, je connais pas. Toi, je crois que Maxime, tu l'avais fait. J'avais pas terminé parce que j'avais pas aimé. Et ben au moins c'est clair. Toi tu y avais joué avec ça? Pas du tout. Non, okay. Non, ça m'avait pas plus intéressé que ça à l'époque. Par contre, The Red Strings Club, beaucoup plus. Ouais. Donc, Deconstruct Team, c'est simplement trois personnes. Donc, il y a d'abord Jordi de Paco, hein, je le prononce à l'espagnol. Moi, je vais dire Jordi, hein, je préviens. On parle là-dessus. Moi, j'aime bien la Jota, tu vois, ça me fait plaisir. Allemand LV2 RPZ, ce sera Jordi. le pauvre. Donc, Jordi de Paco, qui est creative director, qui est aussi auteur, scénariste, programmeur. Il y a également Marina Gonzalez, qui, elle, a fait tout ce qui est les visuels et l'animation, et puis il y a Paola Ruiz qui est aka Fingerspit, qui elle s'est occupée de tout le sound design et évidemment de cette magnifique bande originale. Je pense qu'on peut le dire direct, c'est quand même C'est vraiment le point, en tout cas quand on joue au jeu, qui accroche je pense le plus directement, parce que ça installe une ambiance vraiment particulière, et la bande son elle te reste en tête parce que forcément le jeu, même s'il est assez court, il te marque, et la musique ça fonctionne à fond. Donc c'est vrai que moi ça a été mon premier point d'entrée, quand tu m'avais fait écouter la musique, et après j'ai fait le jeu, et du coup c'est encore plus, on va dire, plus fort en termes d'intensité quand tu as joué au jeu et que tu connais la musique. Alors là, c'est terrible. C'est un projet qui a quand même connu une longue gestation, entre guillemets, parce que donc ils avaient sorti Gods Will Be Watching, je crois que c'était en 2014. Il y a eu 4 ans qui s'est écoulé entre les deux jeux. Et pendant 3 ans... ça a été un petit peu... ils ont navigué un peu en eau trouble, ils ont fait beaucoup de game jam. C'est des gens qui font énormément de game jam. Ils ont eu du mal à trouver un projet sur lequel vraiment s'arrêter. Mais ils en avaient besoin parce que bah, voilà, c'est un petit studio indépendant et a besoin de, bah, de sortir des jeux malgré tout pour pouvoir bah, continuer à vivre. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où Roldi explique bah, toute cette problématique que d'être un indépendant en Espagne, qu'est-ce que ça apporte comme problématique dans la production. Mais bref, on va pas forcément s'attarder là-dessus. Et en fait, le jeu est finalement, est d'abord né de son histoire, et ensuite ils ont greffé un peu quelques idées de game jam qu'ils avaient eues, notamment cette idée de, alors il y a les cocktails et la poterie. Alors je sais pas si les cocktails. Non, c'est les cocktails et le social engineering qui sont les deux game jam. Et la poterie, ça, c'était si, pas... Si, la poterie, oui, la poterie c'est et un... Et le social engineering. Mais c'est la partie cocktail qui a été rajoutée après. Ah oui, pardon. Voilà. En fait, le début et la fin du jeu viennent de Game Jam, et toute la partie centrale qui lie le tout, donc le côté cocktail avec Donovan, ça a été créé spécifiquement pour le jeu. Ok, donc c'est sorti en début 2018, je l'ai dit, et fin 2018, le jeu s'est vendu à 70 000 exemplaires, ce qui est pas beaucoup, en tout cas bah, c'est pas mal pour une équipe de 3 personnes, mais c'est vrai que par rapport à tous les jeux dont on a pu parler jusqu'ici, c'est un petit jeu qui a pas eu un énorme rayonnement, et il y a de grandes chances que bah, si vous nous écoutez, bah, vous l'avez peut-être pas fait, ou alors vous nous écoutez tout simplement pas, et auquel cas bah, on vous salue. Ou alors vous venez de le faire sur Switch parce qu'il a été porté récemment. Voilà, ouais. Et on espère d'ailleurs bah, pour eux que c'est vrai que le portage Switch va leur ramener plus de monde sur ce projet là. Et paradoxalement, pour rebondir sur ce que tu dis, leur situation est finalement beaucoup plus représentative de la réalité de quasiment tous les studios indépendants du monde, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de jeux, alors évidemment on a parlé de triple et de limite de quadruple A dans l'émission, on a parlé de certains jeux indépendants mais qui ont marqué leur époque, notamment Celeste ou What Remains of Edith Finch, mais c'est vrai que finalement des développeurs comme Deconstruct Team, ils sont dans une logique, ou en tout cas ils ont une trajectoire de vie qui est beaucoup plus classique par rapport à ce que peuvent connaître la plupart des développeurs, c'est-à-dire enchaîner les jeux, pas connaître le succès, et de temps en temps un jeu qui va sortir un petit peu du lot, qui va leur permettre bah, de financer quelques projets, là en l'occurrence 3 années un peu de recherche, et un jour ils se sont retrouvés face, comme tu disais, à une espèce de bon bah on a plus de sous donc il faut qu'on sorte quelque chose, et ils ont réussi à mélanger les trucs ensemble, ça a marché plus ou moins bien, et ça a donné The Red Strings Club, et pourtant le jeu bah, n'a pas plus fonctionné que ça. Par contre il a eu un énorme succès critique, puisque du coup il a quand même eu de très bonnes notes, enfin en tout cas il a eu certains sites qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté, donc c'est assez polarisé là-dessus, mais voilà, c'était juste pour dire que c'est effectivement plus comme ça que ça se passe le quotidien des développeurs, et pas le success story à la Céleste. C'est exactement ça, c'est vraiment quand on entend parler de, bah, en France il y a Motion Twin qui a connu un succès incroyable, je connais même quelqu'un qui a fait un livre là-dessus, et bah, c'est vrai que là c'est vraiment des success story, et c'est de ces success stories qu'on entend le plus parler. Tu sais souvent. Que je suis vraiment pas réveillé parce que j'ai failli lui dire ah bon, qui ça? Désolé. Alors, c'est le décalage horaire, voilà. Non, il y a pas de souci. Et là, c'est vrai, effectivement, comme tu le dis, c'est bah ils sont beaucoup plus ancrés dans le réel et dans la réalité de ce que beaucoup de développeurs indépendants peuvent connaître. Et enfin, juste encore. Des Deconstruct Team, ils ont quand même connu le succès avec Gods Will Be Watching. Oui, voilà, c'est ça. Bah, ça leur a permis, je pense, de vivre pendant ces 3 années. Et du coup, bah, voilà, ils fonctionnent un peu de manière inverse. C'est-à-dire que, bah, à la fin, quand tu sors ton jeu, c'est à ce moment-là où tu récupères l'argent. Quoi. Et l'autre réalité qu'on peut observer, c'est celle des indés qui ont connu un succès et qui vont essayer de continuer, en fait, dans ce corps de métier, alors qu'on vit quelque chose qu'on appelle l'indie-pocalypse. Parce qu'à l'époque de Gods Will Be Watching, il y avait encore vraiment cette aura, je pense, d'Evolver. Il n'y avait pas encore vraiment ce bouchon. Je pense qu'il y avait beaucoup moins d'indés sur le marché. C'était beaucoup plus facile. Quand tu étais chez Devolver, tu savais que mondialement tu étais potentiellement. À cette époque-là, c'est vrai que Devolver avait eu un. Voilà, leur catalogue, il était connu. Et effectivement, bah, moi, j'ai même pu. Je savais ce que c'était Gods Will Be Watching à cause de Devolver. Ouais. Après, de toute façon, la problématique de sortir un jeu après un succès, c'est quelque chose qui est très connu, qui est souvent discuté, ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement à la GDC chaque année, parce que justement, vivre après un succès, c'est très compliqué. Pour la plupart des studios, en fait, ils ne connaîtront qu'une fois ça, et la plupart de leurs autres jeux ne vont pas fonctionner, ou ne seront peut-être même pas arrivés à terme, et voire les studios vont fermer. Donc là, eux, ils sont quand même un peu dans la moyenne haute, dans la mesure où ils ont réussi à ressortir un jeu, à remarquer un peu les esprits et à partir vers autre chose. Et encore, je crois qu'ils vivent en coloc tous les trois, donc c'est quand même assez... Après, voilà, c'est la galère. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit de manière très, très concrète, mais la réalité de beaucoup de développeurs, c'est ça. Ils vivent tous ensemble dans le même appartement, ils partagent les loyers et le frigo, et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Il faut rappeler que ça reste extrêmement précaire pour l'écrasante majorité des gens qui font des jeux vidéo. Très bien, on va pouvoir passer, comme d'habitude, revenir un peu sur l'histoire de Red Strings Club, qui est quand même, en tout cas, une partie la, peut-être pas la plus intéressante, mais en tout cas ce que le jeu travaille le plus. Et c'est Maxime qui va s'y coller encore une fois. La dernière fois, il a fait les Souls. Cette fois-ci, ce sera peut-être un jeu un peu plus court. On va voir. Alors, paradoxalement, je pense que l'histoire que je vais raconter va être un peu plus longue que quand c'était pour résumer voilà, les 5 Souls. Plus d'histoires à retenir. De toute façon, je fais des histoires en général assez résumées. Hein. On va pas rentrer en détail sur toutes les choses. Mais c'est un jeu qui est construit en 3 actes. Comme on le disait, c'est vraiment des gameplays qui sont très différents, qui ont été un petit peu collés les uns à la suite des autres. Et le premier acte, on va incarner un androïde qui s'appelle Akara, qui est doté d'empathie, qui a été créé par et qui travaille pour une super corporation qui s'appelle Supercontinent Limited, maintenant un petit peu cliché. Et donc son job, c'est de rendre les gens heureux en créant des implants qui vont répondre à leurs besoins. En gros, c'est sur sa fiche, tu vois. En fait, elle est dans une espèce de salle et il y a des humains qui déroulent sur une espèce de rail. Voilà, ils sont tous nus, ils sont accrochés comme sur un porte-manteau. Ouais, c'est vraiment des bouts de viande, quoi. C'est vraiment ça. Et nous, on check la petite info client sur ce qu'ils veulent et on a un atelier de poterie où on va créer un implant. On a une espèce de masse gélatineuse et on a, en fonction de la forme qu'on va faire, ça va faire un implant qui va avoir différents effets. Par exemple, on peut avoir un client qui vient parce que il veut plus de followers sur les réseaux sociaux. Ouais. On peut lui mettre un implant du comme type. Nous tous. on peut lui mettre un implant du type augmenter, je sais plus exactement, mais le sex appeal ou le charisme sur les réseaux sociaux pour lui en donner plus. Et en fait, en général, ces clients vont revenir jusqu'à ce qu'on leur mette un implant qui est un petit peu plus entre guillemets profond, qui va s'attaquer à quelque chose de plus profond. Par exemple, cette personne-là, elle revient tant qu'on lui met pas l'implant qui est annulé tout besoin de reconnaissance par ses pairs. Et une fois qu'on a mis ça, la personne elle dit bah c'est bon, je vis une nouvelle vie, je suis heureuse, j'ai quitté Twitter, ça y est, j'ai supprimé, c'est bon, plus de followers. C'est un peu ça. Et à la fin, il y a une révolutionnaire qui s'infiltre dans l'entreprise et qui va nous filer des implants qui sont hackés, en fait. C'est un peu des versions révolutionnaires. Et les clients sont cette fois des employés de Super Limited. Ouais, et le top management un peu de la super corporation. Et on va leur mettre des implants du type le punk et ça va être rejette toute forme d'autorité. Donc c'est pour foutre le gros bordel dans la boîte. Et ça se finit un petit peu là-dessus, la révolutionnaire se fait tuer, le droïde Akara qu'on incarnait s'enfuit, et elle finit dans un bar qui est le bar The Red Strings Club, qu'on appellera Red, ou Rot en allemand. Et du coup là on va incarner Donovan, qui du coup avec Brandeis, qui lui est un hacker professionnel, qui parfois travaille avec les révolutionnaires, lui et Donovan ont eu vent en fait d'un projet un petit peu secret de Supercontinent, qui a prévu donc de faire en sorte que tous les porteurs d'implants deviennent heureux entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va leur supprimer la tristesse, on va leur supprimer la colère, on va en faire un petit peu des êtres. Je me permets juste de te couper parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit et c'est peut-être le moment de le dire, qu'on est dans un monde cyberpunk et du coup il y a une grosse partie de la population qui a des implants, choses comme ça. Ouais, on est dans le cadre classique, hein, vraiment un monde dystopique légèrement futuriste. On est quelques dizaines d'années après notre époque. Et ce qui est intéressant avec cette histoire d'implants, c'est que ils veulent pas, tu vois, par exemple faire en sorte que les gens soient tout le temps heureux. Ils veulent juste en fait limiter l'amplitude des émotions qu'on peut ressentir. Et c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus pernicieux, parce qu'en gros, ils veulent supprimer les émotions les plus extrêmes, tu vois, l'euphorie la plus folle et les envies de suicide, par exemple. Ouais, c'est ça, et donc, nous limiter à une espèce de spectre d'émotions un peu plus resserré que d'habitude. Ouais, c'est ça. C'est pas supprimer toute tristesse ou toute colère, mais vraiment la tristesse ou la colère qui pourrait être dangereuse ou nuisible à la société. Mais quand même changer. Même si ça, on va l'apprendre au fur et à mesure du jeu. Au début, le projet, on le voit pas forcément, on n'est pas obligé de le voir. Et c'est ça, en fait, le rôle de Donovan, parce que lui, son job, en fait, c'est d'échanger des informations. Et donc, il se fait payer en informations. C'est vraiment le. Il tient un bar et il reçoit, c'est une espèce de point chaud au niveau des informations de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il se fait payer que là-dessus, hein, tu vois, c'est vraiment l'idée cyberpunk que l'info, ça peut devenir une monnaie, une monnaie d'échange. Et lui, du coup, sa première mission, ça va être de découvrir réellement la réalité de ce projet. C'est ça, pendant que Brandeis, lui, va aller un petit peu sur le terrain, voir un petit peu avec les révolutionnaires ce qu'il peut choper comme info, lui, Donovan, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, donc des cocktails et parler avec ses clients pour choper des infos. Et il a une espèce un petit peu de pouvoir, on peut dire, à ce stade-là, parce que c'est jamais vraiment expliqué. Lui, il n'a pas d'implant, ça on le sait en tout cas. Et en fait, il peut déceler chez ses clients qu'il y a certaines émotions qui sont dominantes. Par exemple, il a un client devant lui et il voit qu'il peut activer la tristesse ou l'euphorie ou les regrets. Et en fait, il fait ça avec des cocktails. Il va identifier une émotion, il va avoir toute une liste de questions. Il va savoir en fait qu'il veut demander des informations sur telle ou telle chose. Et en fait, nous, en tant que joueurs, on va devoir déterminer quelle est l'émotion la plus adaptée ou quelle est celle qui est la plus susceptible de nous apporter le plus de réponses quand on pose telle question. Et si par exemple il y a une question du type, je sais pas, est-ce que ça, ce projet, c'est vraiment légal, je sais pas, est-ce qu'on préfère que la personne soit stressée, est-ce qu'on ouais. préfère qu'elle soit, qu'elle ait vraiment une vague d'ambition un petit peu, de confiance en soi, ça, ce sera à nous de déterminer ça. Et donc lui, voilà, il fait des cocktails pour faire parler ses clients avec bah, une espèce de pouvoir. Ouais, lui, il a deux gameplays, c'est-à-dire qu'il va d'un côté faire ses cocktails, et puis de l'autre, il y a toutes ces discussions, en fait, ces choix de dialogue où on va, bah, c'est une sorte d'interrogatoire, entre guillemets, avec des choix, quoi, pour justement arriver à récupérer des infos, parce que à côté de ça, comme ils veulent effectivement essayer de démasquer un petit peu ce projet de Supercontinent, bah, il va avoir un petit peu des objectifs, se dire, bah, je dois essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est, comment ça va se mettre en place, quel est le processus. Quand ça va se mettre en place, etc. Est-ce qu'on peut encore l'annuler, qui c'est qui en charge, voilà, tout ce genre d'infos-là. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, au fur et à mesure des choix qu'on fait, en fait, le jeu nous fait une espèce de petit schéma, les fameuses ficelles rouges qui nous disent où on en est. Et ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est que le jeu, il commence par la fin. Parce qu'on sait directement ce qui se passe à la toute fin. Ça commence par Brandeis qui tombe en fait d'un building, et donc on sait qu'il va mourir. Et le jeu se passe en flashback uniquement. Et on se rapproche d'ailleurs sur les choix qu'on voit avec les ficelles rouges dont tu parlais. À la fin, il y a forcément Brandeis tombe de l'immeuble. Ça, c'est la seule certitude qu'on ait jusque-là. Et du coup, bah, on va choper les infos auprès des clients, auprès de nos clients qui sont souvent des salariés de Supercontinent. Donc il y a une ingénieure, il y a la directrice marketing, et du coup, on va leur poser un petit peu toutes ces questions-là. Avant de passer au troisième acte, où là on incarne Brandeis, qui lui va faire vraiment ce qu'on appelle du social engineering. Lui, avec ses implants, en fait, il peut prendre la voix d'une autre personne, et il s'infiltre dans les bureaux de Supercontinent. Où ils ont, alors pour l'histoire, en fait, ils ont une ligne téléphonique qui est, c'est ça, qui est fixe, qui est une chose, en fait, dans le monde dans lequel on est, qui n'existe quasiment plus, en fait, c'est pour des raisons de sécurité, ils ont décidé d'installer cette ligne téléphonique parce que c'est pas susceptible d'être hacké par Internet, en fait. Et du coup, lui, il va aller un peu sur le terrain, prendre le téléphone, il sait même pas comment s'en servir au début, il dit, est-ce que je le tiens dans le bon sens, mais il va quand même le hacker avec ce qu'on appelle donc le social engineering, où il va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour choper des infos en appelant les gens. Il va appeler des clients qu'on a pu déjà voir ou d'autres personnes, lui, il sait les infos qu'il doit choper. On a quelques informations en tant que joueur qu'on a pu choper justement quand on jouait Donovan, et là c'est vraiment le jeu où je te donne une petite info pour en récupérer une autre. Je sais que cette personne elle a tel type de relation avec telle personne, donc je vais me faire passer pour elle en lui disant ça pour choper telle info. Et en termes de gameplay, moi c'est une partie que j'avais je trouve qui marche très bien. C'est un vrai puzzle, c'est un vrai puzzle comme ça, où tu vas te dire, bah, à partir de telle info, bah, je sais que je vais pouvoir l'utiliser comme levier pour pouvoir en prendre une autre, et tu tisses un peu ta toile comme ça dans tout ce réseau téléphonique jusqu'à finalement obtenir, bah, je crois qu'il y a deux ou trois infos différentes à récupérer. En fait, le but, c'est de pouvoir accéder justement à tous les éléments du bureau dans lequel on est, parce que ça reste un point and click, au niveau du jeu, au niveau de l'esthétique, c'est du pixel art de façon vraiment point and click, un peu à la LucasArts, et en gros il y a différents éléments interactifs avec lesquels tu peux interagir, en tout cas dans le bureau, notamment un ordi, et tu as besoin d'un code pour pouvoir y entrer, et l'un des objectifs, c'est d'obtenir ce code, pour entrer dans l'ordi, mettre une espèce de clé USB, annuler en fait le déploiement du programme de l'implant et sauver le monde. Et ça se termine avec petit plot twist, Akara qui débarque, et en fait c'était elle, le grand méchant qui contrôlait tout, mais on apprend qu'en fait c'est une intelligence artificielle qui contrôle vraiment le monde de façon indirecte. En gros, pour elle, le monde c'est un peu comme un échiquier, et elle sait vraiment quelle pièce bouger pour activer telle autre chose qui aura tel effet sur le monde. C'est vraiment la notion de l'effet papillon. Elle, en fait, comme elle est connectée en permanence sur Internet, elle voit tout vraiment au même moment. Elle est omnisciente sur l'internet, quoi. Et elle, en fait, elle ne déroge pas, en fait, à son job, qui est de rendre le monde heureux, et du coup là elle va prendre le contrôle du monde, en fait, dans un premier temps, pour pouvoir rendre le monde heureux. Elle devait vraiment prendre contrôle du monde. C'est elle qui s'est imposée, en fait, dans Supercontinent Limited. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas évident à tout expliquer, parce qu'il y a cette espèce de twist. C'est une intelligence artificielle qui est née un peu comme ça. Elle le dit elle-même, moi je sais même pas quand je suis née. C'est le concept de la singularité, en fait. C'est d'un moment, pouf, ça s'est créé, en fait. Elle est devenue consciente, mais ça s'est fait de manière un peu spontanée, et elle a fait que se répandre dans les réseaux, et puis elle est née, je crois, en 2008 ou 2009, un truc comme ça. En fait, par les réseaux, par ce langage-là, elle a pu donner l'idée à son concepteur de la créer, en fait, physiquement, de créer l'android. Donc il y a un petit peu toute cette idée-là derrière. Et donc, à la fin, Brandeis tombe de l'immeuble. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle, le projet qu'elle a avec cette espèce de truc, elle va quand même vouloir le déployer ou pas forcément. Elle va le déployer, ouais. Elle va le déployer parce qu'elle veut justement, en fait, elle veut s'amuser un peu avec l'humanité. Elle le dit, I love humans, voilà. J'aime les humains, mais j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de m'en servir pour faire des trucs. Elle dit, en fait, ce qui est génial avec l'humain, c'est que je fais quelque chose et ils me surprennent toujours par leur réaction, et du coup, c'est ça qu'elle trouve intéressant, tu vois. Mais du coup, elle va se mettre à propager ce délire-là. Elle n'a pas envie que ça se passe, et du coup, bah, finalement, Brandeis, elle fait intervenir la sécurité de Supercontinent, et c'est. Alors, on voit pas physiquement qui c'est qui le pousse, mais bref, il oui, tombe de l'immeuble. C'est pas très intéressant. Chose à savoir aussi, c'est que quand elle imposera sa vision du monde, elle va quand même intégrer certaines choses que nous, on a pu lui dire quand on jouait Donovan, puisque exactement. À chaque fois qu'un client passait, elle nous posait un petit peu des questions sur notre vision du monde, notre vision du bonheur. Et en fait, à la fin, si nous, on dit, bah, moi, je pense que. Par exemple, si elle nous dit, est-ce qu'on devrait autoriser la dépression, on peut dire par exemple oui, non, ou alors oui mais pas plus d'une semaine ou pas quand ça devient dangereux, et quoi qu'on lui ait dit à la fin, en fait elle va intégrer un petit peu toutes ces discussions qu'on a pu avoir avec elle et ouais, d'ailleurs c'est un petit peu pas artificiel, mais il y a un petit côté, elle te fait un peu un bilan de tout ce qu'elle a dit. Alors, ah oui, Donovan m'a dit machin, oui. Donc je ne ferai pas ça. Et puis aussi, il m'a dit que ça. Donc là, ça, c'est un moyen pour le jeu, voilà, de faire un peu le bilan. C'est un feedback, de te rappeler, hein, voilà, de te rappeler ce que tu as dit et de te dire, ah oui, mais ce que tu avais dit que tu pensais qu'était une conversation absolument anodine, finalement, va avoir un impact énorme sur le reste du monde. Et ça, tu le savais pas au départ. Et c'est fou parce que tu te dis, là, on a raconté l'histoire, ça prend déjà pas mal de temps, alors que le jeu, finalement, est assez court. Ouais, il dure que 3 heures. Normalement, allez, 3-4 heures max, vous en avez fait le tour. On peut éventuellement le refaire une ou deux fois pour essayer de différents choix, parce qu'il y a quelques petites subtilités qu'on peut modifier, mais déjà normalement rien que la première fois ça t'a déjà un peu calmé. Et puis c'est pas un jeu à arbre à choix qui va vous faire partir dans des directions complètement différentes, puisque la fin c'est toujours la même, ça va être juste des petites variations de choses que vous allez pouvoir observer, mais voilà, on n'est pas du tout par exemple dans Détroit où il va y avoir des situations extrêmement différentes à la fin, c'est pas du tout le cas. C'est simplement pour donner un titre de comparaison. C'est toi qu'on a parlé en premier, là l'air. C'est simplement pour donner une comparaison. Et de toute façon, c'est comme c'est un jeu qui nous demande notre opinion, on n'a pas forcément envie de rejouer en disant autre chose. Oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est pas des choix, la plupart c'est pas des dilemmes entre guillemets comme on peut nous en poser habituellement. Et de toute façon, ce qu'on retient vraiment du jeu, c'est toutes les thématiques qui y sont associées, et comme c'est les thématiques qu'on retient, on va commencer par expulser toute la partie gameplay. Oui, c'est vrai, parce que donc on l'a un peu expliqué, c'est des gens qui font beaucoup de game jam, des construct teams, et le jeu donc est un peu un patchwork de trucs comme ça, et la poterie, donc ça on est d'accord, c'est un jeu de game jam. C'est du game jam. Et c'est le premier vrai mini-jeu avec lequel on va interagir dans le titre, et je dois avouer à titre perso que ça m'a un peu déstabilisé. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu des problèmes, on va dire, en termes d'ergonomie et de polish. J'ai pas trouvé ça très agréable à jouer. Alors moi j'ai joué sur PC, je sais pas du tout comment ça peut être jouable sur Switch, parce qu'il y a quand même En fait j'ai joué à la version Game Jam, et c'est pas à la souris, d'accord, c'est avec les croix directionnelles, d'accord, enfin, les flèches directionnelles, donc c'est vraiment, tu vas en haut, le doigt il va monter, descendre à gauche, à droite, du coup sur manette. Peut-être qu'ils ont repris ce gameplay. D'accord. Pour la petite anecdote, voilà, old school rétro gaming, c'est exactement le même mouvement et le même type de sensation que dans Captain Blood, qui est un ancien jeu des années 80 que vous connaissez sûrement, parce que c'est un truc fondateur. Vous connaissez bien entendu ce jeu où on se baladait dans l'espace et on pouvait aller voir des intelligences artificielles comme dans Star Trek. Vous connaissez pas ça, je vous invite à le redécouvrir si vous connaissez pas, vous qui nous écoutez. Big up aux 5 personnes qui ont reconnu la référence. Attention, je suis sûr qu'il y en a plus que ça, et j'espère que vous serez nombreux à nous le dire. Manifestez-vous s'il vous plaît, si vous connaissez, pour rassurer avec ça. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a ce gameplay là. Bon, moi j'ai eu un peu de mal, je crois qu'on s'est mis tous les trois d'accord pour dire que bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Déjà en tant que tel, en fait, c'est pas très intéressant. Et surtout, en fait, ça prend une espèce de place dans le jeu. Et le jeu, sa force, c'est pas ça. C'est pas sur ce gameplay-là qu'il est intéressant. Et c'est un peu pareil pour les cocktails, même si ça fonctionne peut-être un peu mieux. Et puis bon, c'est un peu mieux ancré dans la réalité du truc. Parce que autant faire des cocktails pour faire parler des gens dans un bar, bon, ça se tient. Mais là, c'est vrai que de la poterie, enfin, on te fout un pot de fleurs dans le beat pour pouvoir t'influencer. Parce qu'en vérité, c'est vrai que moi, je trouvais que fait peut-être un peu au chausse-pied, on va dire. On a l'impression que voilà, on a pris un concept de game jam, un petit jeu, mini-jeu de poterie, et on l'a mis dans un contexte cyberpunk et on en a fait quelque chose. Bah, c'est ça, en fait, quand on te le dit, parce que même le contexte cyberpunk, il y est déjà dans le jeu de game jam. Ouais. C'est vrai que quand on te dit ça existait déjà en game jam et c'est à 95% la même chose, tu fais ok, je comprends mieux pourquoi et comment ça a été mis dedans. Après, en soi, c'est pas non plus, je trouve pas non plus ridicule, tu vois, le moment de la poterie, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai vraiment trouvé dérangeant, c'est que c'est un peu, alors c'est pas non plus au pixel près, mais quand tu rates, il faut recommencer. Difficulté, voilà, et, Et surtout, il y a une frustration en fait qui est liée à ça, et elle est pas très intéressante. Mmh. Où, en fait, tu veux que l'histoire avance, tu veux mettre cet implant à la personne pour voir comment ça va se passer. C'est ça qui est ludique. Et tu vas rater, t'as pris un peu le mauvais outil, ou t'as mal aplati la gélatine, et là, faut refaire. Et pareil avec les cocktails, parfois tu mets un centimètre trop à droite, il va falloir renverser un peu, tu renverses 2 centilitres de trop, et tu recommences. Et bon, ouais, ça m'a saoulé ces moments-là. Bah, surtout que la boucle se complexifie quand même au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début, tu vas faire des cocktails où tu fais même pas un cocktail, tu verses juste un alcool et tu mets des glaçons et c'est bon. Après, tu vas mixer, après, tu vas avoir des cocktails encore plus compliqués pour aller atteindre en fait justement les petites émotions. Tu vas pouvoir faire tourner une espèce de petite flèche, etc. Mais pour revenir rapidement sur la poterie, je voulais juste dire un truc, c'est que ce qui est rigolo, c'est que depuis le début de l'émission, tu vois, on a réussi à essayer d'illustrer le fait que depuis quelques années, la narration s'est vraiment mélangée au gameplay de façon. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a plus aucune frontière entre les deux, alors qu'avant on avait tendance à les séparer. Et là, dans ces différents jeux, dans ces différents types de gameplay, on sent en fait qu'il y a une opposition assez nette, assez marquée, justement, entre l'idée de narration et de gameplay. Parce que c'est vrai que le jeu de Game Jam, finalement, c'est la même chose, c'est vraiment la même séquence. On joue un robot qui doit placer des implants et on doit essayer de deviner quel est le bon implant. Mmh. Mais le fait de faire la poterie, le fait de fabriquer l'implant soi-même n'apporte rien. Ouais, parce que le jeu réel, c'est de choisir et de voir le résultat. Ouais. C'est pas de créer la poterie. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc, en fait, qui est assez représentatif de ce qu'est une game jam, parce que comme on est dans une contrainte de temps qui est énorme, en général on essaye de créer quelque chose et après on prend le temps de se dire que ça va être quelque chose de différent. Ce qui est rigolo avec Deconstruct Team, c'est que énormément de jeux sont nés de projets de game jam, on l'a déjà dit avec Céleste, etc. Mais là, ils n'ont pas modifié en fait ça, ils n'ont pas essayé de le transformer pour l'adapter, ils l'ont repris tel quel et ils l'ont mis comme ça, ce qui est assez surprenant comme choix. C'est vrai que c'est toujours une question de moyens, j'imagine que pour une petite équipe comme ça, mais c'est vrai que c'est un choix que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, je me dis, j'aurais peut-être, enfin, tu vois, je vais pas me mettre à la place de, mais je me dis, je serais Devolver, je serais producteur, je me dirais, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et puis surtout, tu sais, on en a déjà parlé dans l'émission, cette idée de first hour experience. Tu vois, tu commences ton jeu avec cette séquence-là, et tu dis, c'est vrai, quand tu vois des critiques mitigées, j'imagine qu'il y a plein de testeurs, ils ont joué peut-être une heure, ils ont vu ça, ils ont fait, finalement, ça va peut-être pas m'intéresser, parce que alors, ils vont passer à côté de la richesse du jeu, qui est justement dans le jeu textuel et les dialogues, quoi. Moi, j'ai maté un let's play pour, j'avais fait le jeu et j'ai maté un let's play pour l'émission, j'étais bien content de pas avoir à refaire ces scènes. Et même en voyant le moment des cocktails, je voyais la let's play, tu vas pencher la bouteille et tu sais, rien que visuellement, ça coule trop tard, c'est pas naturel, le liquide il coule un peu à la verticale en bas et trop tard, et tu vois, ça manque un petit peu, tu vois, de t'as des vrais problèmes d'ergonomie, et tu vois, là pour le coup, en termes de game design, on peut faire des vraies critiques dans le sens où tu vois, toi tu l'avais dit, alors c'est pas une honte, parce que je sais que d'autres l'ont fait, t'avais pas remarqué en fait que la forme des étiquettes t'indiquait la direction dans laquelle le point allait bouger, mais le jeu ne te le dit pas en fait, il ne te l'explique pas. Je t'avais dit de pas en parler, j'ai extrêmement honte. Mais non, c'est pas grave, je plaisante, tout va bien, ça va bien se passer, et encore une fois, manifestez-vous sur le Discord, je suis sûr que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Maxime. Mais ouais, quand je dis, j'ai maté le let's play et la fille a vu ça direct, tu vois, elle a dit, ah, les flèches, on voit, et moi j'ai fait, ah oui, d'accord, effectivement, c'est vrai. Non, mais même, tu vois, sur la poterie, tu vois. Mais ça montre que ça fonctionne pas, par exemple, parce que ça, c'est vraiment des trucs que tu peux. Tu vois, c'est à ça que ça sert, par exemple, un test. Playtest. Un playtest, ça sert exactement à ce genre de choses, à se dire, ah, mais vous avez pas compris ça. Bon, ça veut dire que nous, on l'a mal expliqué. Après, peut-être que je suis une personne sur 10 millions et. Non, je suis sûr que t'es pas tout seul. Et puis, tu vois, sur la poterie, les boutons, ils restent pas enfoncés. Enfin, moi, il y a des choses qui m'ont un peu déstabilisé, tu sais, que je comprenais pas tout de suite dans l'ergonomie, c'était pas forcément clair. Et voilà, encore une fois, je pense que ils ont manqué de playtest et de moyens, et ça donne des résultats où tu dis, il y a quelques petits ajustements. Et peut-être, ça se trouve, sur la version Switch, peut-être qu'ils ont fait du taf là-dessus, ça se trouve, c'est possible. À tester. Le jeu mériterait ça, je pense, surtout sur cette idée d'effectivement de rentrer dedans et te dire, c'est dommage d'avoir un projet aussi intéressant sur plein de points et de commencer par peut-être ta plus grande faiblesse qui va être le gameplay sur et la ça poterie. Ce qui est dommage, c'est que du coup ça explique aussi peut-être qu'une partie des gens n'est pas continué. Exactement. Parce que forcément on le sait aujourd'hui, les avis sur Steam, c'est extrêmement important, c'est presque aussi voire plus important que les tests dans la presse, et forcément le jeu a des avis relativement mitigés à bon, tu vois, donc c'est pas forcément une très bonne couleur que ça peut donner quand quelqu'un arrive sur la page via une recommandation et se dit, ah ouais, bon, ça a pas l'air ouf. Et ça, ça c'est vraiment dommage. Et donc là, j'en profite pour parler aux gens qui nous écoutent, qui feraient peut-être des jeux vidéo. Pensez à ce genre de choses, parce que très clairement, si vous donnez pas rapidement aux gens envie de continuer à avancer dans votre truc, ou que vous faites des gameplays qui n'ont pas de rapport avec ce que vous leur voulez, à ce qui est le réel jeu, vous risquez effectivement de vous retrouver dans le même cas de figure. Ouais, c'est ça. Je pense que, comme je disais, le vrai problème que moi j'ai ressenti, c'est que la frustration n'a pas de rapport avec ce que le jeu veut me faire vivre comme expérience. Oui, alors que justement, du coup, coup, on peut passer à ce qui est un peu plus intéressant, c'est tout ce jeu sur le texte, parce que là, on peut le dire, c'est un jeu qui est extrêmement bien écrit, les dialogues sont très justes, les personnages sont très travaillés, et comme il y a deux formes de jeu, finalement, il y a le jeu d'abord avec Donovan, donc comme on le dit, en fait, il va te donner un cocktail qui va te mettre dans une espèce de mood, alors soit tu vas avoir peur, soit tu vas être stressé, soit tu vas justement prendre une bouffée de confiance, un peu être un peu cocky, juste quoi. Juste pour être précis, qui met le client dans un certain mood. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, effectivement. et du coup, après, en fait, en te basant sur cette émotion, bah, tu vas pouvoir commencer à poser des questions et tu vas essayer de tirer ces informations en choisissant les bons choix de dialogue et sachant que tous les choix de dialogue ne vont pas correspondre avec l'émotion que tu as choisie. Donc, il faut aussi que tu aies eu cette intelligence de dire « Ok, il est sur la peur, donc il faut peut-être que je le pousse dans ses retranchements » ou à l'inverse, s'il est ambitieux, je vais peut-être le brosser un peu dans le sens du poil pour que la langue se délie un petit peu. Quoi. Et un truc qu'on peut noter dès maintenant, c'est que ce gameplay-là, contrairement à la poterie, ne peut pas connaître l'échec. Parce que du coup, la poterie, tu vois, tu le disais, on peut rater, on peut foirer complètement son truc de gélatine et on est obligé de recommencer à chaque fois. Alors que là, en fait, il n'y a pas de notion d'échec dans les choix de dialogue de Donovan. Tu auras simplement un embranchement légèrement différent. Et ça, bah, du coup, c'est une très bonne idée, puisque du coup, on l'avait déjà expliqué dans What Remains of Edith Finch, le but d'un jeu narratif, c'est quand même de maintenir une espèce de rythme, de pacing, dans lequel tu vas avancer dans l'histoire de manière fluide pour continuer d'être intéressé. Et ça, ils ont très bien réussi dans cette partie-là. Oui, et puis même, bon, je sais pas si j'ai été le meilleur barman manipulateur du game, mais je pense que même si tu te trompes un petit peu, tu vas quand même avoir un minimum d'informations pour t'en sortir à la fin avec la phase de Brandeis où justement t'auras les éléments que tu connais pour faire tout cette espèce de puzzle. Sachant qu'il y a également des petits trucs un peu optionnels où en fait, entre chaque client, Akara va te poser quelques questions. Et moi, par exemple, j'avais pas du tout compris, tu vois, t'es pas tout seul à pas avoir tout compris avec Sim, j'avais pas du tout compris qu'il y avait des vrais enjeux derrière les questions qu'elle me posait. J'ai toujours réussi, mais en mettant des réponses au pif. Donc je m'étais dit, bah, le jeu en fait il prend mes réponses et il dit c'est bon, il a gagné et il me donne un badge. Et en fait le truc c'est que le badge il prend la forme d'une espèce de petite pilule qui permet de réinitialiser une séquence, en gros de faire oublier les quelques dernières minutes à un client et de recommencer une séquence. Ça j'ai trouvé par contre que c'était une excellente idée parce que ça permet d'éviter au joueur de se dire bon bah je recharge ma dernière partie. En gros il te donne une deuxième chance, ça efface tous les choix, ça efface également les informations que tu avais apprises et du coup tu peux retenter autre chose. Ça c'était pas con comme idée. Et je trouve ça en plus cohérent. Parce qu'on est toujours vraiment dans cette notion d'empathie, de comprendre la personne avec qui on parle, et quand tu utilises la pilule, c'est aussi parfois tu dis ah, peut-être que si j'avais utilisé telle émotion pour avoir telle information, ça aurait mieux marché, et du coup, je vais tester cette pilule. Donc il y a une vraie cohérence derrière ça. Et ce qui est génial avec cette séquence, donc c'est effectivement ce petit questionnaire d'Akara. Alors, déjà, il y a un petit côté humour un peu méta où effectivement, elle parle un peu de game design, elle te dit bon, bah si je te fais un quiz, faut que je trouve une récompense parce que c'est plus engageant, faut que je te propose un petit truc. Donc il y a évidemment cette petite réflexion sur le jeu vidéo qui continuera d'ailleurs après dans la conclusion, on pourra en parler. Mais ce qui est bien, c'est que les questions qu'elle te pose, en fait, c'est pas une bête question, comme je disais quand on préparait d'histoire géo, vous savez, où il faut avoir, si t'as lu le document, en fait, t'as gagné. En fait, non, il faut pas simplement lire, il faut savoir lire entre les lignes, parce qu'Akara, elle va te poser des questions où la personne ne t'a jamais donné la réponse concrètement. Par exemple, elle va te dire, bah, quelle est cette personne que Larissa admire le plus, tu vois. Larissa, c'est un des personnages que tu vas cuisiner, entre guillemets. Et en fait, elle te donne pas la réponse dans la conversation, Larissa, mais c'est toi qui vas pouvoir la comprendre en fait en faisant, bah, en écoutant quelqu'un tout simplement, en faisant preuve d'écoute. Tu vas pouvoir déceler les petites choses qu'il y a derrière, et toutes ces questions là, bah, si t'arrives à répondre juste, alors bon, tu peux peut-être le faire au pif comme exemple, mais ouais, si tu t'es assez impliqué dans la conversation et si t'as bien pris le temps d'écouter ce qu'on te dit, normalement tu dois pouvoir justement répondre correctement à toutes les questions. Et là par contre, cet aspect là du gameplay est particulièrement bien introduit tout puisque le premier client est extrêmement simple à cuisiner, les informations sont relativement simples et les questions ne sont pas encore trop complexes, on est pas encore des choses trop abstraites. Et donc, dès le début, Akara explique aux joueurs de manière indirecte, enfin, en gros, on comprend en tant que joueur que ça va être une phase importante et qu'on va avoir ce quiz qui va permettre un peu de marquer. Et ça a un double enjeu, ça permet d'une, effectivement, de récompenser les joueurs et surtout de les intéresser à l'histoire. Et ça, c'est très très important parce que dans un jeu narratif, c'est extrêmement compliqué de maintenir les joueurs engagés. Tu vois, ça, c'est vrai, une vraie question, je pense, que les développeurs peuvent se poser. Comment on fait pour que les gens ils s'intéressent à notre histoire? Et donc, il y a plusieurs moyens, et ce moyen-là, il est tout bête, il est assez malin et ça fonctionne à fond. Ouais, et puis surtout, enfin, encore une fois, c'est une vraie qualité. Il y a une vraie intelligence justement dans ce petit délire de dire ah bah j'ai ce pouvoir là qui est de mettre la personne dans cette petite état d'esprit particulier. Et puis ensuite, comme les personnages sont bien écrits, ils ont une vraie profondeur. Au début, tu vois un peu les personnages arriver, tu te dis tu as tes idées un peu préconçues dessus. Et puis au fur et à mesure, tu vas les cuisiner, tu te dis ah bah tiens, lui c'est marrant, cette émotion ça a bien fonctionné sur lui. J'aurais pas pensé qu'il pouvait avoir peur ou qu'il pouvait être pas. Je crois qu'il y a une espèce de l'ingénieur en chef. Je crois qu'il peux, en fait, je crois que tu peux le mettre dans une émotion où il a plus du tout confiance en lui, il pense que tout ce qu'il fait c'est de la merde, un truc comme ça. Ou, oui, oui, il y a ça. Ouais. Edgar, là, je crois que. Ouais. C'est lui qui est à l'origine justement de l'implant. Voilà. Et tu peux le mettre dans un état où il pense que voilà, tout ce qu'il fait c'est nul, que voilà, il a qu'aucune idée vient de lui, ce qui est entre guillemets vrai, après on l'apprendra avec Aka. Mais bref, tu peux jouer sur des tonalités, des choses un peu cachées, et ça c'est intéressant en termes de construction de personnages, en fait, de vraiment montrer des phases, hein, des parties un peu sous-jacentes de notre personnalité, des vraies angoisses profondes ou des vraies ambitions profondes, et de jouer là-dessus, et ça donne vraiment toute cette rondeur à ces personnages et ça les rend assez attachants. Ce qui est complètement dans le thème, parce qu'on est vraiment dans le thème de l'information et de la manipulation, parce que là on est vraiment quand on joue Donovan, on est là pour soutirer des informations à des gens en leur exposant certaines infos ou en posant les questions d'une certaine façon, ou là vraiment en provoquant des émotions. Et la base de la manipulation, c'est un petit peu de comprendre la personne devant toi pour savoir comment la faire réagir et la faire réagir comme tu veux qu'elle réagisse. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que contrairement à tout un tas de jeux où les émotions c'est toujours quelque chose qui est traité dans les jeux, parce que d'une, les jeux vidéo cherchent à en suggérer, ça c'est première chose, ils cherchent également à les mettre en scène, mais là dans The Red String Club, ils s'intéressent à des émotions qui sont finalement rarement mises en scène. Ouais. Tu vois, les angoisses, bon, c'est des choses qui commencent à naître, mais la confiance en soi, c'est typiquement des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, la peur, le besoin d'ambition, le besoin de reconnaissance, c'est des choses que nous on connaît au quotidien et qui sont des vraies émotions de la vraie vie et qui du coup là sont traitées dans un jeu vidéo, et c'est vrai que c'est pour ça, je pense, qu'instantanément on a accroche, comme tu disais, à ces personnages qui se retrouvent à avoir une personnalité beaucoup plus riche que ce qu'on a l'habitude, alors que finalement le jeu ne dure que 3 heures. Donc c'est quand même assez fort de réussir à nous intéresser à ces personnages-là qu'on ne croise finalement que quelques minutes chacun, avec aussi peu d'informations. Et puis le jeu a une vraie réussite, je trouve, dans sa structure narrative, c'est-à-dire qu'il y a cette première phase avec la poterie qui est peut-être pas réussie sur le plan du gameplay, mais cette idée de mettre un implant et de twister la psychologie d'une personne, c'est déjà super intéressant, c'est quelque chose qui est très intriguant, et te dire, tu sais, au début, moi, quand je voyais tous les implants, je me dis, ah tiens, ça va avoir peut-être cet effet-là, donc il y a quelque chose qui est intriguant, et surtout, ça te permet de te mettre dans la réalité du jeu. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'on utilisait trop le mot diégèse, mais c'est ça, et dans la diégèse du jeu, il y a cette possibilité de faire des implants psychologiques, logiques, chimiques, qui vont faire que tu vas effectivement, tu sais, oublier tout besoin de reconnaissance ou des trucs comme ça. Et ça, c'est intéressant déjà sur la réflexion, sur la psychologie, sur le bonheur. Et au fur et à mesure, en fait, le jeu, à chaque fois, apporte différentes perspectives parce qu'il y a ces différents personnages qui vont pouvoir aborder les mêmes thématiques mais avec un angle différent. Il y a une certaine maturité, je trouve, dans le transhumanisme, la notion de transhumanisme, où généralement dans le jeu vidéo c'est beaucoup je vais avoir un bras mécanique pour taper plus fort, tu vois. C'est souvent une vision qu'on a dans le cyberpunk, et là on est vraiment à l'étape d'après où ça va être si je peux changer biologiquement mon bras ou mettre, je sais pas, de la nanotechnologie pour voir dans le noir, tu vois, une connerie comme ça, je peux en fait chimiquement introduire, tu vois, des produits chimiques dans mon cerveau pour changer mon émotion, en fait. Et ça, c'est complètement logique, et c'est des choses qu'on peut déjà voir en prenant des médicaments, où on sait qu'il y a des facteurs externes qui influent sur notre émotion, tu vois, ne serait-ce que le soleil, par exemple. Il y a plus de dépression dans les pays nordiques, par exemple, parce que parfois, il y a pas de soleil. Et là, on est dans un monde où les gens peuvent sécréter ces substances chimiques par des implants, ou peut-être même de façon extérieure, pour influencer l'émotion. Et c'est ce qui est un pas complètement logique depuis le transhumanisme, mais qu'on voit pas tant que ça au final. Alors pourtant, c'est une thématique majeure du cyberpunk. L'idée du cyberpunk, c'est de challenger, de mettre en question la nuance qui peut exister entre l'humain et la machine. C'est une des thématiques de fond, c'est-à-dire que finalement, nous, on est une machine biologique. Hein, on parle de biomécanique, avec des artistes comme Giger, etc. L'idée de biomécanique, maintenant, on sait bien comment ça fonctionne. Et l'une des thématiques du cyberpunk, c'est justement de se dire, finalement, l'humain, est-ce que, dans quelle mesure, c'est pas une machine? À quel point on peut le modifier? À quel point on va pouvoir... Alors, il y avait l'idée dans le film Inception de se dire on peut intégrer des idées. Alors c'est un peu des choses qu'on va retrouver dans The Racing Club. On va retrouver la thématique également de modifier chimiquement le fonctionnement de notre cerveau pour influencer sur notre personnalité. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant, parce que forcément ça te commence à te faire douter de qu'est-ce que c'est l'humanité, tu vois, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, est-ce que c'est notre personnalité, est-ce que c'est cette espèce de truc d'âme. Et ça me permet juste de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Akara, elle essayait quand on racontait l'histoire, qu'elle essayait de devenir, en fait j'avais pas vu, mais en fait c'est une citation de Ghost in the Shell, puisque en fait Ghost in the Shell, je sais pas si vous avez vu le film. J'ai lu le manga. C'est très vieux, donc je pense qu'il y a prescription, parce que c'est vraiment un truc. Du coup, moi j'ai vu le film et j'ai lu le manga. T'as lu le film, etc. J'ai lu le film. L'idée, c'est de parler d'une IA qui prend, qui devient subitement, toujours ces histoires de singularité, qui devient spontanément consciente d'elle-même et qui cherche encore une fois à avoir un corps. Et ça, c'est assez rigolo, parce que j'avais pas compris que The Red Street Club faisait un petit hommage à ça. Ça remet vraiment en fait en cause toute la notion de libre arbitre. Tu disais la notion de l'humanité, parfois certaines personnes personnes vont considérer que ce qui fait la différence entre l'humain et la machine, c'est le libre arbitre, parfois ça va être l'empathie, et le fait de pouvoir influencer sur les émotions d'une personne, ou de pouvoir la manipuler pour qu'elle fasse autre chose, bah là effectivement on n'est plus un humain, on est une machine. Et c'est toi quand parlais une fois, le fait de mettre un implant qui va sécréter des substances chimiques pour changer ton truc, bah quelle est la différence entre une machine hackée et toi, au final, il n'y en a pas vraiment. Sachant que ça, c'est des choses qu'on peut accepter, parce qu'on peut choisir de s'intoxiquer, tu vois. Ouais. Je veux dire, là, on va pas commencer à parler de philosophie, parce que la définition actuelle de ce qu'est c'est l'être humain, on est resté, comme on est dans un univers un peu cartésien, on est resté sur le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on considère qu'on est conscient de nous-mêmes et qu'on a conscience d'être en train de penser, on sait qu'on existe. C'est comme ça qu'on l'explique d'un point de vue philo, mais ça se limite à ça. Et en fait, justement, avec cette idée de modification, ça challenge vraiment cette idée même de ce qui peut être un être humain. Est-ce que, du coup, ça peut être une machine? Et évidemment, bah, ça justifie tous les questionnements sur pourquoi une machine ne pourrait pas être reconnue comme une entité à part entière. Voilà, et là du coup je me permets de reciter Détroit, puisque ça c'est un truc qu'ils n'ont jamais abordé alors que c'était le sujet de leur jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait vraiment des émotions complexes des personnes. Tu as des personnes qui ont donc, alors on a pas cité le nom, ça s'appelle le Social Psyche Welfare, le nom du grand projet, du grand projet qui fait que les implants vont te rendre heureux, en tout cas vont limiter ta tristesse et ta rage. Et il y a des personnes qui volontairement veulent ça et qui disent bah oui, c'est ça le bien de l'humanité, moi je veux avoir cet implant en moi parce que je me suis jamais senti autant heureux dans ma vie. Et ces personnes-là ne rejettent pas leur humanité, elles considèrent que la personnalité c'est de vouloir ça, que c'est des humains à part entière. Et toi, en fait, le jeu t'influence un petit peu, en tout cas au début, dans ta prise de décision, puisque Donovan, sa réaction vraiment primaire, c'est de dire, mais c'est du contrôle, c'est horrible, et toi tu es un peu d'accord. Surtout que Donovan ne peut pas avoir d'implant, donc lui, il est vraiment, c'est-à-dire que c'est probablement la personne avec qui, en tant que joueur, tu vas le plus te lier, et effectivement, tu te projettes d'autant plus, parce que lui, il n'a pas d'implant, alors que Brandeis, bah, déjà dès le début, tu vois, il a ce truc à la Ghost in the Shell, ou même dans, je sais que dans Blame aussi, le manga a ça, où t'as cette espèce de petit câble de connect, et hop, tu te branches et tu vas rentrer dans une dimension qui nous est complètement, on peut pas la franchir, tu vois, psychologiquement, mais on peut pas se la représenter. Il va pouvoir aller sonder la mémoire de quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à capter, et on va être beaucoup plus proche du coup de Donovan, parce que lui, il peut connaître des choses, enfin il évolue dans des dimensions, pardon, qui est similaire à la nôtre. Et on se rend compte aussi quand même que l'autre partie du plan, parce que le grand plan ne se résume pas à juste les personnes qui portent des implants vont avoir ce programme là qui est activé. Il y a l'autre projet qui s'appelle le Mirror Neuron Algorithm. En anglais, c'est compliqué. Et en allemand? Alors ça, je sais pas. Mirror Neuron Algorithm. Je sais pas comment ça a été traduit en français, mais je sais pas, les neurones. les neurones. Les neurones miroir, l'algorithme des neurones miroir. Et juste la notion, alors si j'ai bien compris, c'est que toutes les personnes qui ont des implants vont avoir un petit peu dans leur visage et dans leur façon dans leur gestuelle, vont pouvoir influencer indirectement même les personnes qui n'ont pas d'implant. Ça se base en fait sur la notion que chez l'être humain, l'empathie est hyper élevé. L'exemple qui est donné, l'ingénieur, il dit bah, par exemple, les singes, si tu manges une banane devant un singe et qu'il a faim, il va saliver. Un humain aussi, si tu manges une banane devant un humain, il va saliver. Moi, toujours. Alors que le singe, si tu mimes le fait de manger une banane, il va pas comprendre. Alors qu'un humain, il peut aussi mimer. Saliver. Voilà, en mimant, en fait, il y a suffisamment d'empathie qui se crée. Bon, c'est l'exemple, je ne connais pas la rigueur scientifique derrière cet exemple. Non, mais c'est du hacking, en fait. C'est un truc qui est souvent développé dans pas mal d'œuvres de justement cyberpunk ou un peu comme ça d'anticipation, où en gros on explique qu'en faisant des tics par exemple de langage au niveau du visuel, en fait on peut reprogrammer des humains, tu vois, c'est tout le principe, tu vois, des séries genre Le Mentaliste, etc., ou qui arrivent à lire des émotions extrêmement subtiles, et qui du coup en faisant des petites réactions de body language qu'on n'est pas habitué à maîtriser, ils arrivent à influencer ou à détecter des mensonges, etc. Tu vois, ça part de tout ce corpus un peu scientifique qui, je ne sais absolument pas dans quelle mesure c'est vrai, mais j'imagine qu'il y a quand même un petit fond de vérité derrière. Et l'idée, ça serait que du coup de rétro-ingénérer un humain en le programmant. Et du coup, ouais, en fait, toutes les personnes, même celles qui n'ont pas d'implant, auraient au final ce même comportement. Par exemple. Ouais, c'est une manière de répondre le truc, quoi. Et c'est intéressant de voir, on disait tout à l'heure que l'empathie, c'est parfois la chose qu'on détermine comme étant la différence entre l'homme et la machine. On voit qu'ici, c'est le point de faiblesse, en fait. C'est l'empathie qui va faire que les humains vont se comporter comme tous les autres et peut-être comme des machines. Et vraiment, finalement, derrière ce projet de psychic welfare, je sais plus quoi, en fait, il y a une idée, et c'est vraiment là que le jeu exprime sa réflexion, c'est autour du bonheur, en fait. C'est, finalement, ils veulent essayer, parce que l'étincelle du projet, c'est quand même d'essayer de rendre les gens heureux. Et du coup, on en parlait un petit peu, ça, on va réduire le spectre des émotions qui vont nous éviter de tomber complètement dans la dépression, par exemple, ou dans des euphories peut-être trop extravagantes. Et ouais, à la base, Donovan, lui, il est assez réfractaire à cette idée. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, toi aussi, au début, tu vas te dire, bah attends, moi aussi, j'ai pas envie qu'on m'implante un truc pour qu'on me limite mes émotions. J'ai envie d'avoir la pleine, possession de mes moyens. Voilà, pleine possession de mes moyens, exactement. Et tu te dis, finalement, au fur et à mesure des les personnages que tu vas rencontrer, qui sont tous des salariés de Supercontinent, bah tu vas commencer à questionner justement ta perspective, parce que eux, bah déjà, ils ont une façon de le voir qui est différente, puisqu'ils travaillent pour le truc. Et surtout, ils vont t'amener un peu cette réflexion de dire, oui, mais bon, c'est peut-être aussi une manière de rendre les gens un peu plus heureux, tu vois, et ils vont commencer à te faire douter de cette façon de penser, de te dire bah qu'est-ce qui est le mieux, quoi, est-ce que c'est mieux d'avoir mon libre arbitre ou d'être heureux, et c'est vraiment là-dessus que le jeu va te questionner et va te pousser à chaque fois tout au long du jeu à réfléchir là-dessus. Ouais, Donovan, une des premières remarques qu'il a, c'est avec la première cliente qui est la chargée du programme avec les implants, et il lui dit un truc du style non bah moi je pense que la dépression c'est quelque chose de qui participe à l'humanité, en fait. Il dit par exemple l'art, bah il y a beaucoup d'artistes qui ont distillé des émotions comme la rage ou la dépression pour bah, vraiment créer des œuvres qui les définissent et qui ont pu influencer l'humanité. Et en fait, elle lui répond, ouais, mais en fait, déjà, là, t'as une vision de l'art qui est personnelle, puisque on peut voir l'art comme le reflet d'une époque, le reflet d'une société à un instant donné, et bah, si tous les gens sont heureux, on aura juste un art qui est basé sur le bonheur, sur la plénitude, et puis voilà, il faut pas... Donc on n'est pas tous obligés d'être déprimés au nom de l'art. Donc t'as plein de petits débats, questions comme ça, qui sont intéressantes, et ça évolue, t'as toujours des questions un petit peu plus poussé, et t'as Akara beaucoup qui te questionne sur justement les prises de position que t'as pu avoir. D'ailleurs, on parlait des questions tout à l'heure. Oui, c'est ça. Elle à la pose, fin, c'est ça. À la dernière question, en fait, c'est jamais une question qui concerne finalement le personnage que tu viens d'interroger. C'est vraiment une opinion personnelle. Sur, par exemple, elle te pose genre, est-ce que tu penses que le marketing c'est vraiment un mal, c'est vraiment un mauvais, tu vois, à la source, quoi. Et ça, c'est des vrais questionnements, parce que si tu dis, bah oui, moi je pense que le marketing c'est mauvais, tu te dis, mais pourtant, enfin, toi, ce que tu fais, typiquement, là, t'es en train de manipuler les gens, t'es en train de les mettre dans un certain mood pour les placer et pour leur soutirer des informations, et c'est ça aussi la base du marketing, c'est t'influencer pour que tu donnes ton argent, quoi. Qui est d'ailleurs la question sur le marketing, j'ai l'impression que c'est le plus gros parti pris, je trouve, qu'a Akara, puisque elle a vraiment une opinion sur la question, en tout cas elle a une vision. Toutes les autres, par exemple, elle te demande ton opinion sur le psyche welfare, bah, quoi que tu répondes, je vais revenir après, elle te met face à tes paradoxes, du coup, mais juste sur le marketing, je fais une mini-parenthèse où elle te dit que de façon inhérente, le marketing il est forcément pas éthique, en fait. Ouais. Ça, elle te le dit, tu vois, elle te dit, le marketing, en fait, il puise dans une ressource finie qui est la visibilité. Tout le monde se bat, en fait, pour avoir cette visibilité. Et donc, à partir du moment où tu investis beaucoup dans du marketing, ça veut dire que tu grignotes de la visibilité aux autres. Donc, c'est forcément compétitif et nuisible aux autres. Et c'est vrai que, pour le coup, ça, c'était une question sur ton opinion, j'ai trouvé la plus orientée de la part d'Akara. Et c'est un des rares moments, en fait, où le jeu, parce qu'on en parlait en préparation de l'épisode, c'est un des rares moments où le jeu, en fait, il laisse vraiment transparaître ce qu'on peut ressentir comme étant une opinion des auteurs. Quand tu connais un peu leur situation, tu peux imaginer effectivement que, en tant que, on va dire, un peu artiste pas raté, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas qui galère un peu au quotidien, bah forcément ils ont peut-être une vision du marketing qui peut être un peu nuancés ou biaisés, en tout cas par leurs propres résultats, parce que ils ont peut-être eu des mauvaises expériences avant, etc. Alors que d'habitude, justement, Akara, sa particularité, c'est de ne pas prendre parti et de justement laisser les joueurs un peu se démerder avec les réponses. Et autant je suis plutôt d'accord avec cette vision du côté ça grignote de la visibilité, mais en fait là où le parti il est pris, c'est qu'elle décide de résumer le marketing à ça, alors qu'en fait le marketing c'est quelque chose qui peut toucher à plein d'autres choses. Tu peux faire, là je donne un exemple bizarre, si jamais vous résumiez le marketing à la communication, marketing, ça peut juste être aussi faire une étude de marché pour identifier un besoin, savoir ce que les gens veulent, ou quand ils consomment leur café, ils le font à quel moment dans la journée, et du coup tu vas proposer peut-être un produit qui va correspondre à ce besoin qu'ils n'avaient pas forcément dans leur vie. Et là, il n'y a pas vraiment cette notion de communication, de grignoter de la visibilité. Le marketing, c'est quelque chose qui touche à énormément de choses. Pour moi, le marketing, c'est de la sociologie avec une application commerciale. Bah, y a de ça, oui. Psychosociologie. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, Akara, en fait, elle essaye pas de... Elle donne son opinion, mais en fait, ce qu'elle veut essayer de faire, c'est de montrer que de montrer en tout cas aux joueurs et pas via Donovan de montrer aux joueurs que jamais rien tu vois n'est tout blanc ou tout gris. Et ça c'est vraiment un truc très particulier et qui pour le coup encore une fois est un des grands principes du cyberpunk, c'est-à-dire d'essayer de montrer que la notion de bien et de mal extrêmement polarisée, c'est finalement quelque chose d'assez illusoire puisque dans la réalité n'importe quoi peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Et le marketing tout comme n'importe quel autre outil peut avoir des mauvais tu vois des travers etc. Et ça c'est quelque chose qui est plus développé après, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais pas remarqué qu'elle donnait autant son opinion là-dessus. Je devais être moins intéressé parce que c'est un sujet qui m'a moins parlé, tu vois. Parce qu'après, on parle de sujets quand même un peu plus sérieux, j'ai envie de dire, avec des trucs qui touchent plus à l'humain, etc. Et là, j'avais fait attention à ce qu'elle disait. Et pour parler de dérive, une des choses qui d'où part la dystopie, c'est aussi sur cette notion des produits qui se mettent à jour. Parce que le plan, donc le fait que les implants vont nous rendre... alors, il faudra trouver un mot, c'est dans la plénitude, heureux, parce que bon, il y a du débat, mais bref, pour que le projet se mette en exécution, en fait, c'est même des implants qui n'étaient pas forcément destinés à faire ça, qui vont être activés pour le faire. Et en fait, quand on pose la question à l'avocat, genre, mais est-ce que c'est légal ce truc? Elle te dit, oui, c'est légal, de toute façon, aujourd'hui, vous avez des smartphones, des produits qui se mettent à jour régulièrement, vous acceptez les termes et conditions à chaque fois. Et du coup, bah, c'est dedans, donc les gens qui acceptent, ils signent. Et en fait, tu as Akara qui te pose la question à la fin, une fois que tu as eu toute cette discussion-là, elle te dit, est-ce que tu penses que les produits devraient être mis à jour, sachant qu'en amont, elle te dit bien que tu le fais déjà aujourd'hui pour plein de trucs, et sur le coup tu te dis, ah ouais, je sais pas, c'est vrai que si demain, je sais pas, mon smartphone il se met à faire n'importe quoi, bah en fait j'aurais peut-être signé pour qu'il le fasse. Et là on est vraiment dans un parallèle direct avec la société d'aujourd'hui, ce qui est un peu pour moi la base de la dystopie, hein, c'est de construire un univers que tu n'aimes pas mais qui part vraiment de base très réelle, où tu dis, bah c'est pas déconnant en fait, d'aujourd'hui on peut arriver à ça. C'est ce qu'on disait un peu avec Exerve en préparant, on disait finalement maintenant le cyberpunk c'est beaucoup moins de la science-fiction que de l'anticipation, tellement les bases, les prémices de ce qu'on voit en tout cas dans le jeu, on peut tout de suite les projeter dans notre monde réel. Et c'est ça que je trouve intéressant, finalement, avec la littérature, même de science-fiction, de fantasy ou de cyberpunk, peu importe. Finalement, ça ne reste toujours qu'une métaphore de choses un petit peu qui sont poussées, qui on façonne une nouvelle réalité, mais pour nous faire vivre les mêmes émotions et pour nous questionner sur les mêmes émotions qu'on a aujourd'hui. Et c'est en ça, pour moi, que je trouve le jeu très réussi. Parce que, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, quand on voit le cyberpunk, tu vois, c'est Death, Love, Death and Robots, ou encore Altered Carbon sur Netflix, où c'est beaucoup niche et néon, tu vois. Et là c'est vrai que j'aime bien cette résumé et là c'est vrai que dans The Restless Club il y a aussi des nichons et des néons, mais il y a une vraie écriture, une vraie réflexion philosophique, et du coup je trouve que ils réussissent vraiment à faire un jeu cyberpunk. Et je continue un petit peu là-dessus sur cette idée de jeu, je trouve que c'est très intéressant parce que comme ils te prennent à partie finalement grâce à Donovan, t'es pas simplement face à deux personnages qui dialogueraient un petit peu pour te faire voir les deux faces d'un même débat. Là ils te demandent vraiment ton opinion, et je pense que c'est à ce moment-là que moi le jeu m'a vraiment accroché, parce que finalement la plupart du temps dans les jeux t'as des choix, mais moi je les trouve toujours assez inconséquents, j'ai toujours un peu du recul, tu vois, je suis toujours un peu détaché des choix que je fais. Alors que là, quand Akara me demande, est-ce que tu penses que les gens devraient pouvoir expérimenter la dépression, est-ce que tu penses qu'on doit laisser aux gens le droit d'avoir envie de se suicider, d'avoir des pensées vraiment noires, ça te lasse. J'étais vraiment en doute, tu vois, je me disais, j'ai pas forcément de bonne réponse, tu vois. Et enfin, je pouvais en avoir une avant le jeu, une fixée, j'étais plus en mode Donovan, fuck la loi, enfin, il faut que les gens puissent vivre tout ce qu'ils aient à vivre. Mais en même temps, moi j'ai pas vécu des choses difficiles comme ça dans ma vie, donc qui je suis pour dire à quelqu'un d'autre qui a peut-être vécu des trucs très durs de se dire, peut-être que toi t'aimerais bien avoir un petit implant qui te permet de pas vivre ça, quoi. Elle te met vraiment face aussi au concret, en fait, où par exemple, spontanément, le fait qu'une super corporation active des implants pour que les gens deviennent heureux, tu dis, ok, c'est eux les méchants, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, elle va dire, donc t'es pour le suicide, t'es pour le meurtre, c'est ça, t'es pour l'homophobie, tu vois, elle te pose des questions comme ça, parce qu'elle te dit, en fait, tous ces problèmes-là, ils pourraient être réglés par l'activation de ces implants. Et du coup, tu dis, non, je suis pas vraiment pour ces choses-là, tu vois. Je dis, mais c'est pas forcément la manière d'y arriver. Et c'est vraiment, de toute façon, tout découle de cette vision du bonheur, en fait. C'est vraiment, de toute façon, quelque chose d'hyper relatif. Et on voit que toi, tu as ta vision du bonheur. Le supercontinent, ils ont leur propre vision du bonheur aussi. Il y a les révolutionnaires, ils font ça aussi, pour rendre la population heureuse. Et là où je trouve le jeu vraiment intelligent, c'est que au moment où t'es en train de répondre à ces questions, quand tu joues Donovan, du type, est-ce que je suis vraiment pour que les gens puissent traverser une dépression, en fait, dans le jeu, t'as déjà fait la première partie avec Akara, ouais, et en fait tu as déjà décidé du bonheur de certaines exactement, personnes, ouais. Tu leur as mis des implants, donc par exemple cette personne qui voulait avoir plus de charisme pour négocier des deals, et ben à la fin en fait t'as fini par lui mettre un truc qui supprime toute ambition, t'as décidé un petit peu à sa place, c'est probablement pas ce qu'elle voulait exactement, ouais. Et une des leçons que tu peux tirer, en tout cas que le jeu peut te dire, c'est une interprétation, hein, c'est pas le jeu qui vous le dit correctement, je vais pas me faire taper sur le doigt par exemple, mais... le fait que les gens ne savent pas forcément ce qui les rend heureux, puisqu'ils viennent et ils reviennent à chaque fois qu'on leur met pas le bon implant, tant qu'on leur a pas, par exemple, supprimé l'ambition, supprimé le besoin de reconnaissance par leur père. En fait, à ce stade du jeu, on a déjà pris la décision pour certaines personnes, on leur dit « bah toi, tu seras heureux quand je te mets ça ». Et c'est que après qu'on vient nous questionner sur la notion du bonheur, sur ce que nous, on verrait dans une société heureuse. Et en fait, on a déjà un petit peu répondu par nos actes à ces questions-là. Et c'est pour ça que vraiment le jeu, en termes de narration, il est extrêmement intelligent, parce qu'il nous met face, et le vrai jeu, c'est ça, c'est les choix de dialogue, ouais, la façon, et c'est, il joue vraiment avec le verbe pour nous faire mettre face à des situations qui nous demandent de réfléchir. En fait, il crée tout un tas de situations dans lesquelles on va forcément réfléchir et s'impliquer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et c'est vraiment quelque chose de brillant et d'une très bonne réussite de la part du studio, parce que c'est des sujets qui sont quand même extrêmement sérieux, extrêmement difficiles, et qui sont pourtant abordés avec pas trop de légèreté, ouais, mais qui sont abordés dans un jeu vidéo. Et c'est ça, en fait, finalement, la force du médium, c'est de réussir à nous intéresser à ce genre de sujet-là, qu'on aurait pu lire dans un livre, voire dans une série Netflix, ou j'en sais rien. Mais là, en étant nous-mêmes un petit peu acteurs de ce truc-là, bah, on va se retrouver assez rapidement happé par le truc, et ça va devenir, en fait, le terreau idéal pour que le jeu nous manipule, en fait, et nous mette face à ces questions. Parce qu'évidemment, quand Akara nous pose des questions sur est-ce que t'es pour le meurtre, etc., en gros, elle a un peu triché, elle a un petit peu biaisé les questions pour nous mettre dans une espèce d'entonnoir et nous forcer à avoir que de réponses. Et en fait, on se rend pas compte qu'on aurait pu réfléchir à des choses plus compliquées. Mais comme elle nous met face à des sujets qui sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse y répondre avec une simple oui, non, peut-être, est-ce que, eh ben, on se retrouve emmerdé à se dire, putain, merde, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Et tu te poses même pas la question de savoir si ça va avoir un impact. T'as juste envie de, tu te retrouves juste à dire, ah, qu'est-ce que j'en pense, moi? Oui, voilà. Si je dois trancher, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en ferais? Si on me posait la question demain dans la vraie vie, tu vois, si le mec qui te sert une bière, il te demande ça, qu'est-ce que je lui dis à ce gars-là, quoi? Je dis, mais enfin, vous êtes qui? Que se passe-t-il? Akara, c'est toi? Non, mais c'est ça que je trouve. C'est que le jeu, finalement, de toute façon, il va pas te donner de vraies réponses, mais c'est un jeu qui va vraiment te questionner et qui, justement, va te mettre va te faire un peu mouliner le cerveau pour t'emmener sur ces terrains-là, te donner un peu de matière, te donner un petit peu de choses avec lesquelles tu vas pouvoir bricoler ta propre réflexion, et du coup, tu vas pouvoir en ressortir, bah, grandi, peut-être que c'est un grand mot, mais en tout cas de dire, bah, en sortant du jeu, tu vois, moi, quand je l'ai éteint, tu vois, il y a plein de petites choses qui m'ont traversé, et même en me replongeant dedans là pour l'émission, bah, encore une fois, je me suis mis à réfléchir à des trucs et j'ai progressé, je pense, sur des idées d'empathie, de me dire, bah oui, mais peut-être que mes convictions, c'est logique que ce soit pas forcément celles des autres parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, etc., et des trucs comme ça. Ce qui est aussi vraiment cool de la part du jeu, c'est à la fin, il te pose une question, il y a un petit flashback avec Brandeis et Donovan, et Brandeis se pose la question à Donovan en disant, c'est quoi pour toi la chose la plus importante dans la vie? T'as le choix entre les amis et la famille. C'est quoi la... Non, il demande plutôt, genre, pourquoi t'es heureux, un truc comme ça, ou c'est quoi la chose la plus... Okay. Sous-entendant, qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux, ouais, tu vois. Ouais. Et t'as le choix, donc, entre les amis et la famille, t'as le choix entre faire quelque chose qui me plaît dans la vie, tu vois, c'est self-actualization, ou realization en anglais, je sais pas en français. Accomplissement de son potentiel, en gros. Tout à fait. Tu as la santé. Ouais, la santé. Bah, l'amour, c'est avec la famille, les amis. C'est l'amour gens qui t'entourent, tu vois, famille, amis et tout. Tu as donc la santé et tu as l'argent. Et en fait, sur le coup, tu vois, t'es pas. À moins que vous connaissiez très bien, que vous avez déjà vraiment réfléchi à ces questions et que. Voilà, il n'y avait que ces quatre possibilités dans le monde, parce qu'on peut remettre, bien entendu, en question le format, hein, le fait qu'il n'y ait que ces quatre possibilités et qu'il faille absolument en choisir une. Mais tu vois, quand on te pose ça, c'est vrai que tu te poses au moins plusieurs secondes, tu vois, tu dis. Ah ouais, je sais pas, là tout de suite, comme ça, je saurais pas forcément dire est-ce que c'est plutôt la réalisation de son potentiel, est-ce que c'est plutôt les amis, la famille, est-ce que c'est plutôt la santé, tu vois, je sais pas forcément. Et comme dit, tu vois, c'est vraiment dans la narration, dans l'ordre dans lequel ça arrive, je trouve ça vraiment intelligent, parce que moi, ça m'a remis en question par rapport à mon comportement avec le jeu, où, comme je disais, dans le premier acte, j'ai décidé du bonheur de certaines personnes, dans le deuxième acte, j'ai réagi spontanément en disant ah non, mais c'est pas bien d'activer des implants comme ça, et puis je me dis, bon, en fait, limiter le meurtre ou le homophobie, ça peut être pas si mal. Et en fait, à la fin, je me rendais même pas compte que ma propre vision du bonheur, elle est peut-être même pas si claire que ça pour moi. Et je me suis permis d'exprimer mon opinion sur le bonheur des autres, et je me suis permis de mettre des implants dans les autres. Donc en fait, on est beaucoup dans la réaction dans le jeu, et on se rend compte qu'on était même pas dans la réflexion complète jusque là. Et du coup, après, juste après, dans la suite de leur dialogue à tous les deux, il y a Donovan qui explique que lui, en fait, dans sa situation, qui est très particulière, parce qu'en fait, donc, il peut pas avoir d'implant parce qu'il les rejette, naturellement. Il a les genoux brisés. En plus de ça, le pouvoir qu'il a de contrôler les gens avec les émotions fait qu'il ne peut pas quitter le bâtiment dans lequel est le club. Il y a une espèce de lien entre les deux, il ne peut pas quitter. Mais il explique que de là où il est quand même heureux. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça, si on nous l'avait expliqué dès le début, tu vois, ça aurait créé, en fait, ça nous aurait permis de comprendre un peu plus le personnage en amont, et ils font exprès de nous le mettre après qu'on ait posé toutes ces questions, etc. Ouais. Et on se rend compte que Donovan, c'est un mec qui a vraiment une espèce d'acceptation. Tu vois, il a réussi à accepter son sort, qui est pas extrêmement heureux, mais qui finalement, dans lequel lui, il se complaît très bien. Mmh. En fait, il est heureux d'être comme ça. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que Brandeis, lui, il se sent limité. Et tu vois, ça, c'est un truc, parce qu'ils sont en couple, hein, tous les deux, ils sont ensemble. Et il y a, c'est souvent une opposition qui est racontée dans plein de livres ou d'histoires d'amour où il y en a un des deux qui va être content de sa situation et l'autre qui va vouloir toujours un peu plus, que ce soit un homme, une femme, deux hommes, etc. Et là, c'est assez rigolo que ce soit le hacker, tu vois, qui a toujours besoin de chercher plus d'informations, et le type qui, lui, en fait, contrôle les gens, lui, il se sent bien, il bouge pas, il est limité spatialement, il ne peut pas bouger, mais il explique qu'il est aussi libre que n'importe qui sur Terre. Mmh. Et ça, c'est pas mal, parce que quand on te le donne à la toute fin, tu te dis, en fait, que ce gars-là, Donovan, que t'as joué, il a finalement avancé, lui, sur ces questions-là, peut-être plus que toi. Et je pense que c'est pour ça, moi, je me suis retrouvé dans la même situation que toi, Max, à me dire, c'est vrai que moi, tu vois, bon, j'ai 34 ans, ma vision du bonheur, je l'ai à peu près définie, je me suis déjà posé la question, et je sais à peu près ce que j'ai envie de faire dans ma vie, mais en jouant à ce genre de jeu, ça permet de, tu sais, de remettre une pièce dans la machine et de relancer un peu ce genre de questionnement qui nous traverse toute notre vie d'adulte et d'ado, enfin à partir du moment où on commence à réfléchir à tout ça, quoi. Oui, constamment, parce que ben, l'idée du bonheur de Donovan, tu vois, c'est vraiment un bonheur qui est tout le temps mis à mal, parce que la vie, elle évolue, t'as toujours des nouvelles contraintes, des trucs, et même si t'es dans cette espèce d'acceptation et que tu prends la chose avec beaucoup de philosophie, tu dis, bah, c'est pas grave, tu vois, enfin, j'essaie de trouver du sens dans ce qui compte pour moi, c'est tout le temps mis à mal, il y a toujours des choses, tu vas tout le temps être traversé par des émotions profondes qui vont justement te mettre un peu dans la tempête et te dire, ah bah peut-être que si j'avais un petit implant qui limitait, qui empêchait cette petite émotion de trop monter et de me rendre trop triste, est-ce que ce serait pas mieux, tu vois? Et ça, finalement, qui est vraiment intéressant, c'est que bah, quand tu recherches et quand tu voilà, que t'es un peu en quête de cette idée de bonheur, bah, il n'y a jamais d'idée fixée, tu vois, et elle va toujours être remise à mal par tout ce que tu vas vivre dans ta vie, quoi. D'ailleurs, Donovan, il désamorce un peu le truc. Une fois que t'as décidé de la chose qui est la plus importante pour toi dans la vie, il dit, mais bon, je te répondrai peut-être autre chose la semaine prochaine, tu vois. Il n'y a pas non plus cette pression de savoir maintenant tout de suite la chose qui te rend le plus heureux dans le monde. Il dit, non, mais de toute façon, on peut changer d'avis, on change. Ça fait aussi partie de l'humanité, tu vois, de changer ses perspectives et ses visions. Oui, et puis surtout qu'on peut pas se contenter, enfin tu vois, tu peux pas te contenter juste d'amour et d'eau fraîche, il y a des moments où tu vas avoir envie justement de progresser dans ta réalisation de soi et compagnie, donc il y a plein de choses, enfin pour moi ce qui te montre c'est un peu quatre piliers entre guillemets de ce que pourrait être le bonheur, tu vois, genre, mais... Voilà, tu peux c'est parce que c'est des idées un peu clichés, voilà, en fait. C'est un peu les idées clichés qu'on pourrait poser à n'importe qui dans la rue en disant c'est l'argent, c'est le travail, c'est le pouvoir, c'est les voitures. Il y a des gens qui pourraient dire Dieu, tu vois, un truc qui n'est absolument pas proposé par le jeu, tu vois. Ouais. Bon, de toute façon, tu sens que là, comme on est dans un jeu cyberpunk, je pense que la question de la religion, elle a été évacuée depuis un petit bout de temps. Mais un autre truc qui est abordé dans le jeu, et on vient d'en parler à l'instant, c'est toute la représentation des minorités, qui est vraiment fait de manière que j'ai trouvé particulièrement intelligente. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait, enfin, ce qui est rigolo, non, pas du tout, mais en fait, il y avait une espèce de polémique à la sortie du jeu par rapport au fait que le personnage de Larissa est donc une femme trans, et en fait on le sait pas quand on la croise la première fois, et on le découvre a posteriori quand on fait le social engineering, parce que un des mecs de la compagnie, je crois, il utilise son ancien nom comme mot de passe, c'est super crado, et du coup ça avait fait réagir la communauté LGBTQ+ pour des raisons de, alors je crois qu'en anglais ça s'appelle le dead name, nom de la personne avant la transition. C'est quelque chose qu'on évite de révéler, et du coup bah, ils avaient interrogé l'équipe des Construct Team, et c'était donc Fingerspit qui avait répondu à une journaliste à ce sujet là qui est également trans, la compositrice, et qui expliquait, j'avais trouvé de manière assez, assez subtile, qui expliquait qu'elle-même ne se sentait pas, tu vois, en capacité de donner la parole à toutes les personnes trans du monde. Elle a sa propre vision du truc, et il considérait qu'en faisant ça, il mettait en jeu une situation qui peut être réalisable et qui est certes extrêmement dégueulasse, mais toutes les personnes ne sont pas sensibles de la même manière. Et le fait que ça soit elle qui te réponde ça, bah, tu vois, ça te dit que toi-même, en fait, tu peux avoir des biais comme ça par rapport à ce genre de représentation auquel tu n'as pas... et qui vont te dire, oh là là, c'est pas bien, parce que... Mais c'est pas que c'est pas bien en fait, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et ça, c'est toujours la, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans toute l'écriture du jeu en fait, ouais, cette notion de subtilité et de nuance. Surtout qu'elle avait une justification qui était intéressante, parce que comme c'est pas le, le dead name est utilisé par un personnage qui a une certaine psychologie, qui peut être un peu manipulateur, et du coup ça, le fait qu'il utilise ce mot de passe, ça pouvait renforcer justement son côté, bah voilà, le mec est un peu mesquin, il utilise ce, ce dead name comme mot de passe, ça pouvait construire au personnage, je crois, un petit peu aussi ce qu'elle justifiait. Donc c'était intéressant, mais c'est vrai, ouais, dans le traitement des minorités, c'est super intéressant, parce que vraiment, en fait, c'est pas les personnages qui sont comme ça, c'est pas ce qui les définit, en fait. Comme Brandeis et Donovan, bah, ils sont homo, enfin, bah, c'est pas très important, en fait. C'est ouais, juste tu l'apprends détail, à la toute fin, c'est et ça change rien au exactement. Reste, en fait. Comme la personnage, y a l'avocate, je crois, bah, elle a un voile, tu vois. En fait, c'est un détail du personnage, c'est pas ce qu'il définit, tu vois. On a pas l'impression qu'ils se sont dit, ok, on va mettre ce personnage-là parce qu'il faut ça, ça, ça. C'est pas du tout ça, c'est juste, ça fait partie de leur personnalité, ça fait partie de ce qu'ils sont, et ce qui va être intéressant aussi, c'est leur caractère et compagnie. Donc c'est fait, ils ont construit des personnages de manière très intelligente en faisant de la représentation, mais en faisant de la représentation, ouais, comme tu le dis, subtile, parce que bah elle est pas c'est pas un truc, on la met pas sur le devant de la scène, mais elle vient nourrir les personnages. C'est un peu la version inverse de ce qu'on voit à la télévision ou dans les séries, où ouais. En fait il y a des espèces de, alors c'est évidemment les trucs un peu tabous, mais en général, tu vois, ils essayent de mettre un peu de mixité niveau, ils vont mettre une personne, tu vois, afro-américaine, une personne hispanique, etc., pour essayer de donner un peu le change, mais c'est fait de manière un peu, j'ai envie de dire, plus pragmatique plutôt que de manière intelligente, et c'est souvent mis en avant, tu vois, il y a des séries comme Will and Grace, où, bon, on a un personnage homo, et voilà, on a un personnage homo, et tout tourne autour de ça, et c'est finalement quasiment, ça évolue petit à petit, mais au départ il est présenté comme étant un homo, et c'est pas juste, alors ça pourrait être juste un homme, ça pourrait être un ingénieur ou quoi que ce soit, et c'est assez rigolo que ça devienne ça, sa manière d'être définie, alors que là dans The Red String Club, ben tous ces petits éléments de l'identité, et alors pourtant c'est un jeu qui tourne autour de l'identité et de ce qu'est d'être humain, ben c'est finalement des choses qui sont données de manière complètement détaillée et qui ne définissent pas ces personnages là et ça je me dis, ben, dans le climat actuel qui veut justement pousser le jeu vidéo et de manière générale la culture à peut-être plus de représentativité, ben je trouve que c'est une manière finalement très intelligente de le faire, parce que toi quand tu connais pas ces choses là ou que t'as des biais parce que t'as grandi dans tel ou tel milieu et que t'es pas forcément à l'aise avec ces questions-là, et ben on te les met pas en plein visage et on te fait comprendre que c'est des gens qui sont comme toi et moi et qui ont, ils sont pas définis par ce genre de choses-là et qui ont également eux une vision du bonheur, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement malin de leur part. Bah contrairement, tu vois, je pense à un autre, tu vois, quand j'avais vu le trailer de Cyberpunk 2077, où tu sais, elle est accompagnée par un espèce de gringos, tu vois, qui parle tout le temps en espagnol, et tu vois, il fait des espèces d'insultes comme ça, enfin, ça devenait un peu ridicule, c'est un peu trop exagéré, et tu dis, bah le personnage, en fait, il est défini parce que c'est un mercenaire qui parle espagnol, tu vois, et tu disais, en fait, ils en faisaient trop, alors que ça devrait juste être un détail du personnage, pas ce qu'il définit, tu vois. Et donc, bah, du coup, là, The Wrestling Club, il montre un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être pas la voie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, évidemment, mais en tout cas, il montre une possibilité de faire une narration intelligente avec une mise en scène de minorités qui sont jamais montrées d'habitude dans le jeu vidéo, sans que ça soit devenu une sorte de porte-étendard et que ça fasse simplement partie du fil narratif classique. Et j'ai trouvé ça extrêmement agréable, parce que du coup, c'était des personnages que je n'avais encore jamais rencontrés dans les jeux vidéo, et donc c'était de la vraie nouveauté, entre guillemets, dans le sens où il y avait quelque chose d'inédit et avec des personnages et des sensibilités auxquelles j'avais pas été confronté auparavant. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour son enrichissement personnel. En tout cas, ce jeu-là, moi, m'a permis, tu vois, de réfléchir à la notion d'identité, etc., quoi. Et puis surtout, de par ce gameplay où justement tu as vraiment une incentive à aller chercher à connaître les personnes, bah tu vas pouvoir détailler les personnalités et justement tu vas créer quelque chose de beaucoup plus global et tu vas pas t'attarder simplement sur ce détail-là et te dire ok, c'est comme ça que je vois cette personne. Parce qu'ils auraient pu très bien, par exemple, sur la séquence avec Larissa, la fameuse marketing director avec la meilleure musique du jeu, tiens à le dire, meilleure musique du jeu, hein, on est tous d'accord, tout va bien. Ils auraient pu très bien, dans ses émotions, justement, peut-être le faire révéler ce genre de choses-là, alors qu'en fait, c'est une personne qui est extrêmement épanouie, c'est la personne la plus épanouie du jeu que tu croises. Elle a une robe rouge, elle est pulpeuse, elle est ultra débonnaire, etc. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement, c'est vraiment une grosse personnalité quand tu la croises, elle te marque. D'ailleurs, la personne qu'elle admire le plus, je crois que c'est elle-même. Oui, c'est ça. Ouais, tu vois, elle s'aime, elle est bien, elle se sent bien. Et ils ont pas justement mis ça en avant. Et j'ai trouvé ça super malin parce que tu te dis à postérieur, ah ben ils auraient pu complètement faire un truc là-dessus, mais ça aurait donné une tonalité totalement différente au jeu. Et là, je pense que les critiques auraient été plus justifiées. Oui, mais c'est vraiment important toutes ces questions, en fait, faire la différence entre les quotas. Et vraiment juste écrire des personnages qui le sont sans que ce soit forcément, comme vous le disiez, un skill est défini, on va mettre une personne qui a telle caractéristique, alors que c'est pas forcément déterminant pour une personnalité. Et d'où l'importance finalement d'avoir des équipes qui soient justement issues de la diversité comme ça, parce que ça permet qu'elles apportent leur perspective dans le développement des jeux, et ça permet d'écrire des trucs justes, quoi. Parce que forcément, bah, nous on peut pas, moi je suis un mec blanc, je peux pas avoir la perspective de toutes les personnes différentes de moi, et c'est difficile d'écrire des personnages comme ça, quoi. Donc il faut qu'il y ait plus de diversité aussi au sein des équipes, quoi. Donc ça, c'était évidemment un aspect, on l'a oui, dit. Oui, c'est qu'un aspect, on s'intervient dessus. Mais ça, c'était intéressant quand même de le relever, parce que c'est quelque chose, quand tu relis un petit peu le jeu, tu as une seconde lecture où tu dis, il y a quand même beaucoup de choses qui traversent ce jeu-là, mais la principale, finalement, c'est quand même le fait qu'il arrive en permanence à te remettre en cause et à te poser des questions. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très très fort, parce que c'est un petit produit condensé de 3 heures, c'est un petit machin, tu vois, qui dure finalement qu'une après-midi. Et pourtant, moi, je m'en souviens encore exactement de quand j'ai fait le jeu. Je l'ai fait en décembre, là, il y a quelques mois, mais ça m'a vraiment marqué, et quand j'ai dû le refaire pour l'épisode, bah, j'étais content en fait de retrouver ces personnages-là, parce qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Il y a la musique, etc. Enfin, c'est des choses où ces personnages-là, bah, en fait, finalement, je m'y suis attaché. Tu vois, je sais que Brandeis, il va mourir quoi qu'il arrive, bah, ça me fait chier, quoi. Vraiment, je suis là, mais c'est con, parce que c'est un personnage, j'aurais voulu en découvrir plus, j'aurais peut-être voulu le rencontrer, j'aurais voulu, tu vois, plus discuter avec lui, peut-être plus en savoir, etc. Et t'as envie d'aller plus loin. Et ça, j'ai trouvé ça très fort de réussir à te donner quelques pistes et te donner envie de plonger un peu plus dans leur univers. Donc, moi, ce que j'aimerais bien pour une suite, tu vois, ça serait, j'aimerais bien pas que ça soit le même jeu, mais peut-être qu'on continue d'explorer cet univers avec ce genre de personnages. Je trouvais ça super en fait. Bah dans leur dernier jeu de Game Jam, il y a un petit peu cette notion, t'incarnes en fait alors c'est pas vraiment c'est un tueur à gages ou un bras armé, mais en tout cas là, un mec qui appartient à une espèce de mafia, et il est en train de se cacher, il sort d'une espèce de guerre de gang, il lui manque un bras, il est accueilli par un mec qui le couvre le temps que les choses se tassent, et en fait tu vas apprendre à faire des bouquets de fleurs. T'es dans un monde en plus aussi où c'est un peu les dernières fleurs, tu vois. Il dit en fait si ces fleurs elles sont si exceptionnelles, c'est qu'elles sont réelles, parce que on ne sent plus des fleurs aujourd'hui, et tu vas pouvoir à distance en fait envoyer des bouquets de fleurs à certaines personnes. Et en fonction des fleurs que tu as choisies, qui ont des propriétés uniques, tu vas pouvoir influencer certaines décisions de ces personnes-là. Donc on est toujours un petit peu dans... Alors, c'est beaucoup plus superficiel que The Racing Club, ça a été fait en 3 jours. Hein. Ouais. Donc forcément, sur l'écriture, c'est compliqué. Mais on est toujours dans cette intention de pouvoir contrôler à distance une personne en jouant sur ses émotions quand on l'a bien comprise. Et c'est toujours agréable à voir. Bah, c'est vrai que voilà, je pense que c'est... Avec ce jeu-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont trouvé une espèce d'identité, et ça continue effectivement avec leur jeu de Game Jam. Et espérons... Bah, qui vont vraiment se concentrer sur ce travail, sur l'écriture, sur les mots, parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils sont le plus doués. Et puis surtout, voilà, dans le paysage vidéoludique actuel, il n'y a pas forcément besoin de s'imposer des espèces de petites phases de gameplay comme ça, de petits trucs. On n'a pas besoin de mettre en échec le joueur. On l'a vu avec des jeux comme What Remains of Edith Finch, comme Firewatch. Il n'y a plus besoin de forcément mettre des choses qui vont te challenger, et on peut faire des expériences narratives qui soient très concentrées et vraiment qui mettent en avant ce qu'elles ont envie de raconter, quoi. Donc si le jeu vous a plu, moi ce que je vous dirais, si vous nous avez écouté jusque là, normalement vous avez fait le jeu, sinon de toute façon vu qu'on vous a tout spoilé, vous pouvez quand même le faire, ça sera quand même intéressant. Oui, bien sûr. Mais parlez-en autour de vous, parce que comme c'est un jeu qui n'a pas forcément eu beaucoup de succès, mais je pense mérite à être plus connu, moi à titre personnel, vraiment je vous invite à voilà, en parler autour de vous, parce que c'est vraiment un jeu qui mérite, qui vaut le coup et qui met le coup d'œil. Bon, c'est 3 heures, donc ça pour le coup ça peut s'intégrer dans un backlog un peu chargé. Exactement. Écoutez messieurs, bah merci beaucoup. The Red Strings Club, on a beaucoup aimé, je pense que voilà, on vous le recommande. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Fin du Game. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon si vous voulez qu'on continue comme ça, si vous voulez nous permettre de maintenir cette régularité. Voilà, toutes les 2 semaines, on s'y tient pour l'instant. Et puis voilà, à bientôt. Salut.